1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat envers le Père, savoir, Jésus-Christ, le juste. Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, savoir, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements, il est menteur, et il n'y a point de vérité en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement accompli en lui, et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Mes frères, je ne vous écris point un commandement nouveau, mais le commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement, et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Cependant le commandement que je vous écris est un commandement nouveau, et est une chose véritable en lui et en vous, parce que les ténèbres sont passées, et que la vraie lumière lui maintenant. Celui qui dit qu'il est en la lumière, et qui est son frère, est dans les ténèbres jusqu'à cette heure. Celui qui aime son frère, demeure dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui le puisse faire tomber. Mais celui qui est son frère, est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, car les ténèbres lui ont aveuglé les yeux. Mes petits enfants, je vous écris, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Père, je vous écris, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris, parce que vous avez vaincu le malin esprit. Jeunes enfants, je vous écris, parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin esprit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est au monde, c'est-à-dire, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais est du monde. Et le monde passe, avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est ici le dernier temps, et comme vous avez entendu que l'Antéchrist viendra, il y a même dès maintenant plusieurs antéchrists, et nous connaissons à cela que c'est le dernier temps. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient point des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous, mais c'est afin qu'il fût manifesté, que tous ne sont point des nôtres. Mais vous avez été oint par le Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez point la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, n'a point non plus le Père, quiconque confesse le Fils, a aussi le Père. Que donc ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous, car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi au Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse qu'il vous a annoncée, savoir, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Maintenant donc, mes petits enfants, demeurez en lui, afin que quand il apparaîtra, nous ayons assurance, et que nous ne soyons point confus de sa présence, à sa venue. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait ce qui est juste, est né de lui.